C'est dans la rue des Peupliers que j'avais un grand rendez-vous. Au bout de mes vies en allées, rendez-vous d'amour avec nous. Ouh, rendez-vous d'amour avec nous. C'est dans la rue des Peupliers que m'ont mené toutes mes vies. Après les déserts traversés et somnolences assouvies. Ouais, hey, hey, et somnolences assouvies. Nouvelle vie, nouveau départ. Qu'aurons-nous donc appris, ma douce, à traverser tous ces brouillards? Par-delà toute lune rousse. L'amour est plus fort que silence, un torrent qui emporte tout, un passé outre à la prudence, et l'on se doit d'être un peu fou. Ouais, hey, hey, et on se doit d'être un peu fou. Et l'on invente l'avenir comme des dieux sortis d'enfer qui n'oseront plus s'endormir tellement tout est si précaire. Ouais, hey, hey, tellement tout est si précaire. Rescapé de la solitude, celle qui fait faner les rêves, en semant partout l'inquiétude, le temps est venu d'une trêve. Je crois bien que tout est possible, pour nous le temps est à l'amour, celui qu'on dit indestructible, qui sème du feu tout autour. Ouais, hey, hey, hey, qui sème du feu tout autour. Prenons notre vie par la main, au cœur un goût de grands espaces, bien à l'abri de tout témoin, il est à nous l'état de grâce. Ouais, hey, hey, hey, il est à nous l'état de grâce. Tout ce que l'on n'attendait plus est entassé dedans nos âmes. Douce, ce n'est que le début, c'est le bonheur qui nous réclame. Dis-moi tes rêves les plus fous, ne retiens rien par-devers toi. Je t'ai dit, on a rendez-vous au pays des plus grands émois. Ouais, hey, hey, au pays des plus grands émois. Désempoussiérons l'idéal, celui qui dort au cœur de nous. C'est allumé la bonne étoile, les sortilèges se dénouent. Ouh, les sortilèges se dénouent. L'amour a levé l'interdit. Il faut refaçonner le monde. Donner une chance à la vie. Qu'elle foisonne, qu'elle abonde. Un grand rendez-vous au pied de ce grand escalier qui va du passé jusqu'à nous. Du passé jusqu'à nous.